Un soleil de juillet flambait au milieu du ciel. L'air semblait plein d'une gaieté brûlante. Aucun frisson de brise ne remuait les feuilles des saules et des peupliers. Là-bas, en face, l'inévitable Mont-Valérien, étagé dans la lumière crue, s'est allu fortifier. Tandis qu'à sa droite, l'adorable coteau de Louveciennes, tournant avec le fleuve, s'arrondissait en demi-cercle, laissant passer par place, à travers la verdure puissante et sombre des grands jardins, les blanches murailles des maisons de campagne. Aux abords de la Grenouillère, une foule de promeneurs circulait sur les arbres géants qui font de ce coin de l'île le plus délicieux parc du monde. Des femmes, des filles, aux cheveux jaunes, aux seins démesurément rebondis, à la croupe exagérée, au teint plâtré de fard, aux yeux charbonnés, aux lèvres sanguinolentes, lacées, sanglées, en des robes extravagantes, traînaient sur des frais gazons le mauvais goût criard de leurs toilettes. Tandis qu'à côté d'elles, des jeunes gens posés, en leurs accoutrements de gravures de mode, avec des gants clairs, des bottes vernies, des badines grosses comme un fil et des monocles ponctuant la niaiserie de leurs sourires. L'île est étranglée juste à la Grenouillère et sur l'autre bord, où un bac aussi fonctionne, amenant sans cesse les gens de Croissy, le bras rapide, plein de tourbillons, de remous, d'écume, roule, avec des allures de torrent. Un détachement de pontonniers, en uniforme d'artilleur, est campé sur cette berge, et les soldats, assis en ligne, sur une longue poutre, regardaient couler l'eau. Dans l'établissement flottant, c'était une cohue furieuse et hurlante. Les tables de bois, où les consommations répandues faisaient de minces ruisseaux poisseux, étaient couvertes de verres à moitié vides et entourées de gens à moitié gris. Toute cette foule criait, chantait, braillait. Les hommes, le chapeau en arrière, la face rougie, avaient des yeux luisants d'ivrogne, s'agitaient en vociférant, par un besoin de tapage, naturel ou brut. Les femmes, cherchant une proie pour le soir, se faisaient payer à boire en attendant. Et, dans l'espace libre entre les tables, dominait le public ordinaire du lieu. Un bataillon de canotiers, chahuteurs, avec leurs compagnes, en courte jupe de flanelle. Un d'eux s'est démené au piano et semblait jouer des pieds et des mains. Quatre couples bondissaient en quadrille et des jeunes gens les regardaient, élégants, corrects, qui auraient semblé comme il faut si la tare, malgré tout, n'eût apparu. Car on sent là, à pleine narine, toute l'écume du monde, toute la crapulerie distinguée, toute la moisissure de la société parisienne. Mélange de calicots, de cabotins, d'infimes journalistes, de gentilshommes en curatelle, de boursicotiers véreux, de noceurs tarés, de vieux viveurs pourris, cohus interlopes, de tous les êtres suspects, à moitié connus, à moitié perdus, à moitié salués, à moitié déshonorés, filous, fripons, procureurs de femmes, chevaliers d'industrie, à l'allure digne, à l'air matamore qui semble dire « Le premier qui me traite de gredin, je le crève !» Ce lieu sue la bêtise, puis la canaillerie et la galanterie de bazar. Mâles et femelles s'y valent, il y flotte une odeur d'amour, et l'on s'y bat, pour un oui ou pour un non, afin de soutenir des réputations vermoulues que les coups d'épée et les balles de pistolet ne font que crever davantage. Quelques habitants des environs y passent en curieux chaque dimanche. Quelques jeunes gens, très jeunes, y apparaissent chaque année, apprenant à vivre. Des promeneurs, flânant, s'y montrent. Quelques naïfs s'y égarent.